Radiomatique. amorcer la transmission 478 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe américain Beach House et la chanson Modern Love Stories, qui est en fait la pièce-titre du quatrième et dernier chapitre de l'album double Once, Twice Melody, qui est paru en 2022. Et maintenant, c'est au tour de la formation anglaise Black Midi d'assurer la continuité à Audiomatique. Audiomatic, c'était la formation anglaise Black Midi et la pièce Instrumental 2 que l'on retrouve sur l'album The Black Midi Anthology Volume 1 Tales of Suspense and Revenge qui est sorti en 2020. Cet album comprend 7 pièces, soit 4 qui consistent en de courtes histoires écrites par d'imminentes figures littéraires comme Ernest Hemingway et Edgar Allan Poe, lus par les membres du groupe sur des jams instrumentaux, et 3 autres pièces instrumentales tirées en grande partie des mêmes enregistrements que les jams d'accompagnement des pistes parlées. En conclusion de cette transmission 478 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglais Underworld. Entre le 9 novembre 2005 et le 5 juin 2006, Underworld a fait paraître directement sur son site internet 3 mini-albums pour lesquels chacune des pièces les composant était mixée une à la suite des autres. Ces 3 mini-albums font partie de la River Run Series. Donc, pour clore cette transmission d'Audiomatic, nous vous présentons le 2e mini-album de la série River Run qui est intitulé Pizza for Eggs et qui est paru le 7 décembre 2005. Le mini-album Pizza for Eggs de Underworld est composé dans l'ordre des pièces Food A Ready, Back in the Fierce, Vanilla Monkey, Flats, Ancient Fat Farm Coat et Play Pig. Nous vous donnons, bien sûr, rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Underworld et le mini-album Pizza for Eggs. C'était Audiomatic avec les sonoristes. I'm

sky and metal two-tone blue holds up the sky. amnesia. I love this town, brutal, low-grade buildings, architecture for the blind, beautiful dirt in the numb zone excites me. Amnesia, amnesia, everything simple, no cheap thrills, no frills, no flash distractions. Lo-fi, lover, you made me shake, you made me grateful to be alive again. Amnesia, many predators. Amnesia, amnesia, amnesia, amnesia, amnesia, amnesia. For the blind, beautiful dirt in the numb zone excites me. Amnesia, amnesia.